إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 19 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wa Sunnah, écrit par le Cheikh Aysam ibn Abdullah al-Sinani et relu et préfacé par le Cheikh Saleh al-Fawzan. Hafizahullah wa rahimahullah. Et donc, on est arrivé aujourd'hui au point numéro 6 dans les 14 principes qui sont mentionnés pour expliquer ou pour réfuter les shubuhat des takfiriyin et des gens de bid'a parmi les khawarij donc aujourd'hui c'est ça ce qu'on va expliquer le principe numéro 6 et on est toujours dans le point numéro 6 qui est divisé en 14 parties comme on l'avait expliqué dans les cours précédents, on l'a expliqué plusieurs fois. Donc le point numéro 6 qui est divisé en 14 principes et on est au principe numéro 6 d'entre les 14. Donc ce point là, le point 6, parle au sujet des alliances qui sont faites avec les kuffars et que c'est permis de faire des alliances avec des kuffars. Et les preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. Et le point numéro 17, c'est le point qui mentionne les preuves qu'il est permis de demander l'aide, de prendre l'aide des kuffars, pour défendre les musulmans et pour donc voilà, on va expliquer ça inshallah dans ce cours-ci, dans les cours qui vont suivre. Le cours d'aujourd'hui inshallah on va essayer de finir ensemble le principe 6 et le principe numéro 7. Ça va être un des principes les plus longs puisque c'est un principe qui a été expliqué en plusieurs pages. Donc, il commence de la page 143 dans le livre et il termine à la page 206. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été consacrées à la clarification de ce principe-là et de ce point-là. La question de l'isti'ana, est-ce que c'est permis de demander l'aide ou de prendre de l'aide des kuffars pour défendre les musulmans? Donc, on va parler de ça dans les cours qui vont suivre. Probablement que ça va prendre minimum 3 cours pour l'expliquer. Donc, dans les 3 ou 4 prochaines semaines, ça va être uniquement ce sujet-là, avec les différentes preuves et les analyses. Donc, tout ce qui a été dit par les ulama sur ces questions-là, Et l'explication s'il y a eu des divergences, l'explication des divergences, la preuve de chacun des parties, chacun des points qui ont été mentionnés, et l'analyse de ça. Donc ça va être parmi les points qui vont être discutés dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite avec le texte. Qu'est-ce que le Cheikh explique? Cheikh Issam, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit Al-Dabit al-Sadis, أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار لا يمنع عقد الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحت حمايتهم إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام أو المسلمين أو لدحر عدو ضرره أكبر في حال ضعف المسلمين وعجزهم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Donc, pour commencer, le cheikh il dit dans son introduction de ce principe que l'islam, même s'il est venu avec le principe de se désavouer des kuffars, eh bien, l'islam n'empêche pas et n'interdit pas de faire des alliances et de faire des pactes d'alliance avec les koufars. Et il n'interdit pas également de rentrer sous la protection des koufars également, lorsqu'il y a un intérêt ou un bienfait pour l'islam et pour les musulmans dans ça. Ou bien également, l'islam n'interdit pas d'être sous la protection des koufars quand c'est pour un bien ou un intérêt pour l'islam et pour les musulmans. Ou bien pour repousser un ennemi dont le mal est plus grand dans une situation ou dans l'état de la faiblesse des musulmans et de leur incapacité à le faire par eux-mêmes. Et le cheikh il mentionne comme preuve générale par rapport à ce principe-là le verset 28 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Et quiconque fait cela n'a rien à voir avec Allah. N'a rien en quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté s'il cherche à se protéger d'eux. Et Cheikh, il mentionne différentes explications des ulama de tafsir au sujet de ce verset. Donc il explique, il dit قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته انتهى كلامه رحمه الله. Donc il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Ici il mentionne le volume 1 à la page 337. Il dit que ce verset-là signifie que c'est-à-dire que quiconque d'entre les musulmans craint dans certains pays ou à certains moments, dans certaines périodes, le mal des kuffars, alors ils ont le droit de chercher la protection vis-à-vis d'eux en apparence, et non pas par son intérieur ni son intention. Non pas par son apparence, par l'extérieur, et non pas par son intérieur et son apparence. Donc, il agit avec eux d'une manière qui fait en sorte qu'il sera protégé d'eux. Mais ça, c'est seulement en apparence, c'est-à-dire dans son intérieur, il doit, bien entendu, continuer à se désavouer d'eux et les détester pour Allah. Et d'une haine et d'un désaveu basé sur la foi, basé sur la religion, et à cause de la religion et à cause de la foi. Ça, c'est l'explication de la parole de l'imam Ibn Kathir. Ensuite, il cite les paroles d'un des ulama, parmi les ulama qui ont fait qui ont écrit des tafsirs du Coran, tafsir Ahkam al-Quran, écrit par l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi. Et ici, bien entendu, on ne parle pas du soufi hérétique ibn al-Arabi, mais on parle d'Abu Bakr ibn al-Arabi, qui est un savant bien connu parmi les ulama de Al-Malikiyya, parmi les ulama du Madhhab Al-Maliki, et qui ont écrit des grands livres d'un ilm comme le livre Ahkam al-Qur'an, et aussi le livre le Sharh du Sunan de l'imam al-Tirmidhi. Il y a un Sharh écrit par cet imam également de Sunan al-Tirmidhi. Et il y a beaucoup d'autres livres aussi. Donc ensuite il dit وَعِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ فِيهَا قَوْلًا أَحَدُهُمَا إِلَّا أَن تَخَافُوا مِنْهُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ مِنْهُمْ فَسَاعِدُوهُمْ وَوَالُوهُمْ وَقُولُوا مَا يُسْرِفُ عَنْكُمْ مِنْ شَرِّهِمْ وَأَذَاهُمْ بِظَاهِرٍ مِنْكُمْ لَا بِاعْتِقَادٍ بِظَاهِرٍ مِنْكُمْ لَا بِاعْتِقَادٍ بين ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان على ما يأتي بيانه إن شاء الله والثاني أن المراد به إلا أن تكون بينكم وبينه قرابة فصلوهم بالعطية كما روي أن أسماء رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومي قدمت إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك وهذا وإن كان جائزا في الدين فليس بقوي في معنى الآية وإنما فائدتها ما تقدم في القول الأول والله أعلم انتهى كلامه. Donc le Cheikh il mentionne donc cette parole de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi dans son tafsir Ahkam al-Qur'an qui fait le tafsir des versets du Qur'an qui ont rapport avec les règles de la religion. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le tafsir de tous les versets qui sont dans le Qur'an, mais uniquement le tafsir des versets qui sont reliés aux règles de fiqh. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire l'interprétation par exemple ou l'explication des versets qui parlent de la croyance ou des choses qui ont rapport avec la foi, des choses comme ça. Il ne rentre pas dans les détails de ces... Il ne rentre pas dans ces versets-là. Il parle uniquement des versets qui ont des règles, des versets desquels on peut extraire des jugements ou des règles dans le fiqh, dans la religion. Donc, il dit à propos du verset « إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا » c'est-à-dire « excepté si vous voulez vous protéger d'eux », il dit il y a deux paroles, deux interprétations de ce verset-là. Le premier, c'est « excepté si vous craignez d'eux quelque chose ». Vous craignez d'eux quelque chose, donc il n'y a pas de mal de chercher de l'aide de leur part ou de que vous alliez à eux et que vous leur disiez des paroles qui vont faire en sorte qu'ils vont éloigner le mal de vous, ils vont détourner le mal qu'ils veulent vous faire. Et ça, c'est en apparence, et non pas avec la croyance et la foi. Et il mentionne que ça, c'est clarifié dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ excepté celui qui a été contraint et dont le cœur est dans la tranquillité de la foi par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec Al-Ikrah. Donc c'est une situation qui est comparable à la situation de la contrainte, c'est-à-dire que tu es dans une situation où tu montres extérieurement quelque chose qui est contraire à qu'est-ce que tu as réellement dans le cœur dans le but de te protéger parce que tu es dans une situation de contrainte et de difficultés. Donc, le Cheikh, il dit, ala ma ya'ti bayanuhu, ça, on va l'expliquer plus tard, inshallah. Donc, ça vient plus tard dans son tafsir. Il en parle plus en détail de ce verset-là. Et puis ensuite, il dit, comme deuxième interprétation, il y a, qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là, que ça signifie que les gens qui ont des liens de parenté avec les mushrikin et les kuffars. Donc, si parmi eux, il y en a qui ont des liens de parenté avec nous, eh bien, on peut garder les liens de parenté avec eux s'ils ont besoin de quelque chose, on peut leur donner. Comme ça a été rapporté, par exemple, par Asma, elle a dit qu'elle a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai ma mère qui est venue me voir et elle est mushrika. C'est une idolâtre. Elle fait du shirk. Est-ce que elle veut garder les liens de parenté avec moi, puis elle a besoin de mon aide. Est-ce que je dois garder les liens de parenté avec elle? Et le professeur Sam a dit oui. garde les liens de parenté avec ta maman ou avec ta mère. Donc il dit ça, c'est le cheikh, il commente, donc le cheikh Abu Bakr Ibn al-Arabi, il commente sur cette interprétation-là. Il dit ça, c'est quelque chose, même si c'est permis, mais ce n'est pas une interprétation qui est très forte dans la signification de ce verset. Mais le point qui est plus bénéfique par rapport à l'interprétation de ce verset-là, c'est plutôt la première interprétation qu'on a mentionnée. Et il dit « Wallahu a'lam », c'est-à-dire « Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux ». Donc, ça, c'est la fin de cette citation. Il cite ensuite les paroles de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre « As-Sarim al-Masloul », le volume 1, à la page 226. Il dit « فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ وَهُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفٍ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفٍ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عن من يؤذي الله ورسوله عن من يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون انتهى كلامه رحمه الله. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne dans son livre As-Sarim al-Masloul, le volume 1, la page 226, il dit que ceux parmi les croyants qui sont dans une terre, qui sont dans un endroit où ils sont faibles, ou dans une période dans laquelle ils sont faibles, alors qu'ils agissent selon les versets qui incitent à l'endurance, à la patience et au pardon et au fait d'excuser et de passer par-dessus ce que font les kuffars comme nuisance envers Allah, comme offense qu'ils font contre Allah et son messager, de la part de ceux qui détiennent le livre et de la part de ceux qui font le shirk parmi les mushrikines de façon générale. Donc, dans les moments de faiblesse, on agit par les versets, selon les versets qui nous incitent à être patients et à passer par-dessus leur offense contre Allah et son messager et à leur pardonner. À pardonner ce que font les gens du livre et les mushrikines comme offense. Et quand on est dans une situation de force, quand les musulmans sont parmi les gens de la force et qu'ils ont la force militaire et le pouvoir et tout ce qu'il faut, le nombre, ainsi de suite, dans ce cas-là, ils agissent selon les versets qui nous incitent à combattre les chefs de la mécréance, les têtes de la mécréance, ceux qui insultent et qui attaquent la religion, et également par les versets qui incite à combattre les gens qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya alors qu'ils se sont humiliés ou qu'ils se sont rabaissés eux-mêmes. Ça, c'est la fin de la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans As-Sarim al-Masloul. Et malheureusement, beaucoup de musulmans, en particulier les jeunes, parmi les mutahammisin, ceux qui s'excitent ou qui font preuve d'un excès de zèle sans connaissance et sans compréhension de la religion, ils veulent voir les musulmans victorieux, mais ils ne prennent pas en considération les causes et les réalités. Donc ils ne regardent pas la situation de la faiblesse des musulmans. Et ils veulent agir avec les koufars et les mushrikines de la même manière que s'ils avaient. Ils veulent agir avec les mushrikines, les koufars et les gens du livre dans les moments de faiblesse, de la même manière qu'il agirait avec eux dans les moments de force. Et ça, c'est contraire à la raison, c'est contraire à la sagesse, et c'est contraire, bien entendu, à la religion également. Et le cheikh, il dit ensuite, il faut agir avec les kuffar et les mushrikines selon notre état, selon la réalité, dans laquelle, les choses dans lesquelles on, la situation dans laquelle on est. Ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Le cheikh, il dit aussi ensuite, par la, il dit ensuite, قال أيضا المرجع الذي حيث كان للمنافق ظهور يخاف من إقامة الحد عليه يخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية دع أذاهم كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح حيث ما حصل القوة والعز خطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il explique ensuite encore une autre citation tirée de As-Sar al-Maslul, volume 3, la page 683 de Ibn Taymiyyah, qui dit que lorsque si les munafiqins, ils ont une force et qu'on a, on craint une fitna plus grande en appliquant sur eux les peines nécessaires que de les laisser, dans ce cas-là, on agit selon les le verset, comme dans Surat Al-Ahzab, le verset 48, lorsque par exemple, Allah dit « وَدَعْ أَذَاهُمْ » c'est-à-dire « laisse leurs offenses ». Hein, laisse leur offense. Hein, ne t'occupe pas d'eux, ne t'occupe pas de leurs offenses. Mais lorsque les musulmans, ça c'est lorsque les musulmans sont incapables de l'appliquer, de faire appliquer les peines sans éviter une plus grande fitna. De même que lorsque les musulmans par exemple sont incapables de faire le djihad contre les kuffars. Donc dans ce cas-là, le cheikh il dit, on agit selon les versets qui nous ordonnent de s'abstenir d'eux et de passer par-dessus ce qu'ils font, de les excuser, de passer par-dessus ce qu'ils font. Et lorsque vient la force, lorsque les musulmans sont en position, en situation de force, nous sommes dans ce cas-là appelés à agir selon le verset 73 en sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Jahid al-kuffar wal-munafiqin » c'est-à-dire lutter contre les kuffars et les munafiqin. Intaha kalamuh. Le cheikh il dit ensuite « وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَوَاتَرَ مِنْ إِذْنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّحَابَ فِي الْهِجْرَةِ لِلْحَبَشَةِ وَكَانَ مَلِكُهَا كافرا لكنه كان عادلا ففروا من حكم كفار قريش إلى حكم كفار النصارى فقد روى محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هاشم عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال مما يكره مما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار وأمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. وأسنده البيحقي في السنن والدلائل من طريق ابن إسحاق. Donc le cheikh il mentionne les preuves maintenant de qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à ça, et il donne des exemples de preuves. La premier exemple qu'il mentionne, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba de faire la hijra vers l'Éthiopie. Et le roi de l'Éthiopie était un kafir, mais il était juste, et ils se sont enfuis du pouvoir des kuffars qui étaient en Quraysh vers le pouvoir des kuffars chrétiens qui étaient en Éthiopie à l'époque. Et ça a été rapporté dans le livre de la Sirah, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Ibn Ishaq. Donc il mentionne dans son livre selon Salama radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit que lorsque la situation est devenue très difficile à Mecca et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été on leur a fait beaucoup de difficultés et de tort dans leur religion, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas capable de faire en sorte de faire cesser les abus qui étaient faits contre ses compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était sous la protection de son peuple et de sa famille, de son oncle, donc aucun tort ne lui était fait de ce qui se produisait à ses compagnons, parce qu'il était lui protégé par sa tribu ou sa famille. Donc il a dit à ses compagnons, il y a en Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie aujourd'hui, un roi qui est juste, personne auprès de lui n'est lésé, hein. Alors allez vers son pays jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une issue et une délivrance de ce dont vous êtes, de ce dans quoi vous êtes comme situation. Alors elle a dit, nous sommes tous partis là-bas jusqu'à ce que qu'on soit arrivé dans la meilleure demeure et vers un meilleur voisin, et nous avons trouvé la sécurité là-bas dans notre religion, et on ne craignait l'injustice, on ne craignait pas son injustice. Donc ça a été rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan et dans Al-Dala'il par la voix de Ibn Ishaq. Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim à ce sujet. Il dit: لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا في الحبشة في أحسن ديوار. انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, le volume 1, la page 97, qui dit que lorsque les musulmans ont commencé à devenir de plus en plus nombreux et que les koufars commençaient à avoir peur, alors ils ont commencé à donner plus de difficultés aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à faire la fitna aux musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra vers Al-Habasha, c'est-à-dire vers l'Éthiopie. Et il leur a dit, à ses compagnons, qu'il y avait là-bas un roi et personne n'était lésé auprès de lui. C'est-à-dire que c'était une personne qui ne faisait pas d'injustice aux gens. Il était juste. Alors, les musulmans, ils étaient 12 hommes et 4 femmes, sont partis vers l'Éthiopie. Il y avait parmi eux Othman ibn Affan, c'est lui le premier qui a quitté, ainsi que son épouse, Ruqayya, qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont donc arrivés à Al-Habasha. Ils sont arrivés en Éthiopie et ils ont trouvé là-bas la meilleure demeure. Le cheikh, il dit ensuite, وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات وهو يبين هديه صلى الله عليه وسلم في حماية أصحابه رضي الله عنهم وقت الفتنة قال وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كونها دولة نصرانية لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة إلى الكفار حتى قال وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة وهكذا بعثة المهاجرين من مكة إلى الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم انتهى كلامه رحمه الله الشيخ بن باز يلتي دا مجموع فتاوى ومقالات لفوليوم 7 page 363 il explique la guidance du prophète صلى الله عليه وسلم dans sa protection de ses compagnons lorsqu'il y avait de la fitna. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux muhajirin parmi les musulmans de faire la hijra vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie, malgré que c'était un pays chrétien, parce qu'il y avait pour les musulmans un bienfait dans ça et également un éloignement du mal qui leur était fait par leur peuple, parmi les gens de la Mecque, parmi les koufars. Et il dit par la suite plus loin que c'est ainsi que les muhajirin ont été envoyés. Donc il a envoyé les muhajirin de la Mecque vers le pays de l'Éthiopie. Et il n'a pas fait ça dans le sens de prendre les chrétiens pour alliés, mais il a fait ça uniquement pour un bienfait pour les musulmans et pour diminuer le mal qui avait été fait aux musulmans. Donc, c'était pas pour prendre les chrétiens pour allier ou dire que les chrétiens sont des croyants ou qu'ils sont corrects dans leur religion ou que leur religion est vraie. Non, parce que ce sont des koufars. Les chrétiens sont des koufars. Sauf que il a fait ça pour un bien pour les musulmans et pour diminuer le mal qui leur avait été fait. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية في المسألة 33 وذكر إظهار أركان الإيمان والإسلام فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمور وعدم إخفاء شيء منها فهو المظهر لدينه ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز عن إظهار دينه وهذا بحمد الله واضح لا إشكال فيه فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم لكان لا يقدر ولكن لا يقدر أن يظهر توحيده وإيمانه وعقيدته كان عاجزا عن إظهار دينه وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان بلاد حرب واضطهاد وبلاد عهد وهدنة وأمن فيدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة حيث كانت بلاد كفر واضطهاد وأذية وفتنة للمؤمنين إلى بلاد الحبشة وهي بلاد كفر ولكنها بلاد أمن واطمئنان وهي أخف بكثير من بلاد الفتنة والشر القليل أهون من الشر الكثير ولهذا تمكن الصحابة رضي الله عنه من إظهار دينهم فيها انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit que le grand savant cheikh Abdurrahman al-Sa'di il dit dans son livre Al-Fatawa al-Sa'diyya la page 94 et c'est la question c'est la question 33 au sujet du fait de montrer les piliers de la foi et les piliers de l'islam, de pouvoir exprimer et montrer notre foi et notre islam et les piliers de la foi et de l'islam. Il dit du moment qu'un être, une personne, un être humain est capable de montrer ces piliers-là et de ne pas rien en cacher et de ne rien en cacher, alors c'est lui qui a montré et exposé sa religion, qui a montré sa religion. C'est ça la signification. Et du moment que quelqu'un n'est pas capable de montrer sa religion ou de montrer quelque chose de sa religion, alors il est considéré comme une personne qui est dans l'incapacité de montrer ouvertement sa religion ou de pratiquer ouvertement sa religion. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui est clair par la grâce d'Allah et qu'il n'y a aucune difficulté à comprendre cela. Et il dit que si quelqu'un, par exemple, est incapable de prier et de jeûner quelque part, mais qu'il n'est pas capable de montrer son tawhid et d'exprimer ouvertement son tawhid et sa foi et sa aqida, alors dans ce cas-là, on dit qu'il est dans l'incapacité de montrer sa religion. Donc c'est ça la signification d'être capable de montrer sa religion, c'est d'être capable de montrer les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Mais bien entendu, le premier de tous les piliers, c'est le plus important, c'est-à-dire le pilier de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et le pilier de la foi en Allah et du tawhid, hein, et de la aqida. Donc si quelqu'un est capable de montrer les autres piliers mais qui n'est pas capable de montrer le premier pilier, eh bien il n'a pas, comme le cheikh il dit ici, il n'a pas montré ouvertement sa religion dans ce cas-là. Il est dans l'incapacité de montrer ou d'exprimer ouvertement sa religion dans ce cas-là. Et il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ. Donc on a expliqué précédemment que les pays de Kufr sont de deux catégories. Les pays de Kufr qui sont en guerre et qui sont des pays de persécution, et les pays des kuffars qui sont en paix, qui ont des ententes de paix, des trêves et des pactes de sécurité. Donc on est en sécurité chez eux. Donc ça c'est également établi ou prouvé par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à ses compagnons de faire la hijra de la Mecque, qui à l'époque était un pays de kufr et de persécution et d'offense, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de tort et de mal aux musulmans, vers un autre pays. C'est un pays où il y avait du tort et des problèmes pour les croyants, et il leur a permis de quitter cette terre de kufr et de persécution vers un autre pays de kufr, qui est le pays qu'on appelle l'Éthiopie ou l'Al-Habasha. Mais malgré que c'était un pays de kufr, mais c'était un pays dans lequel on trouvait de la sécurité et de la tranquillité, et que c'était un pays qui était beaucoup moins mauvais dans son kufr et dans son mal que le pays où il y avait la fitna, c'est-à-dire la Mecque, parce que la fitna était beaucoup plus grande à la Mecque qu'en Éthiopie. Et le cheikh il dit qu'un mal qui est petit, c'est beaucoup moins grave qu'un grand mal. Et c'est pour ça que étant donné que, donc c'est pour ça que les Sahaba ont été capables là-bas de montrer ouvertement leur religion, c'est-à-dire en Éthiopie. Ensuite, le Cheikh dit, وقال العلامة الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة وفي الحديث دلالة ظاهرة على جواز هجرة المسلم من بلد الكفر إذا اشتد الضغط عليه من أهله إلى بلد آخر يجد فيه الحرية الدينية وليس كذلك ما يفعله بعض الشباب المسلم من السفر من بلده المسلم إلى بعض البلاد الكافرة لمجرد أنه يجد فيه شيئا من التضييق أو التعذيب من بعض الحكام الظالمين فهذا لا يجوز للأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك انتهى كلامه. Donc c'est bien que le cheikh il ait mentionné ça après avoir cité l'exemple de Al-Habasha pour faire comprendre un point qui est assez important aussi, qui est parfois mentionné de la part de certains. C'est que le cheikh il dit que Al-Allama, Cheikh Al-Albani, il dit dans le Silat Al-Hadith Al-Sahiha, le volume 1, à la page 578, il dit qu'il y a dans le Hadith qui est mentionné à cette page-là, dans le volume 1, une preuve apparente et claire de la permission pour le musulman de faire la hijra d'un pays de Kufr, dans lequel il a beaucoup de pression sur lui, et dans de la part des habitants de ce pays-là, de quitter ce pays vers un autre pays dans lequel il va trouver de la liberté religieuse. Mais le cheikh dit, mais ce n'est pas ce que font certains jeunes parmi les musulmans qui voyagent, c'est-à-dire qui quittent les pays musulmans vers certains pays des kuffars uniquement parce qu'ils y trouvent quelques difficultés ou quelques tortures de la part de certains dirigeants injustes. Il dit ça, ce n'est pas permis à cause des nombreux hadiths qui interdisent de faire cela. Hein, donc ça c'est la fin de la citation. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas comparer des pays musulmans dans lequel il y a de l'injustice de la part des dirigeants à un pays de kufr. Hein, tu ne peux pas comparer les deux parce que ce n'est pas pareil. Hein, tu ne peux pas comparer faire la hijra vers un pays de kufr en quittant un pays musulman parce que ce n'est pas la même chose que lorsque tu quittes un pays de kufr comme la Mecque vers un pays comme la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam lorsqu'il y avait de la torture et des difficultés vers l'Éthiopie qui à l'époque était un autre pays de kufr mais qui avait de la liberté puis on pouvait pratiquer la religion et tout. Donc actuellement ça c'est pas comparable avec qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans où il y a des dirigeants qui sont parfois peut-être injustes, hein, et surtout à l'époque actuelle, on sait que de la part de beaucoup de jeunes musulmans, soit dans les universités ou dans la société en général, qui ont été influencés par les idées des koufars de l'Occident et qui s'imaginent que ils doivent se battre ou lutter pour avoir ou faire des revendications semblables à celles des kuffars. Donc ils demandent la liberté, ils demandent l'égalité, ils demandent les droits que les kuffars possèdent dans les pays de kuffre. Et parce que les dirigeants dans les pays musulmans leur refusent ces soi-disant droits-là qui n'ont rien à voir avec l'islam, eh bien, eux, ils font des manifestations, puis quand ils se font taper dessus, eh bien, par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ils s'enfuient vers les pays des kuffars de l'Occident. Donc, ils essaient d'émigrer dans les pays de l'Europe ou de l'Amérique, puis ils pensent que là, c'est un endroit où ils peuvent pratiquer leur religion avec plus de liberté, et ils réalisent pas qu'en même temps, ils perdent leur religion petit à petit, puisque ils s'éloignent petit à petit de la pratique religieuse et ainsi de suite. Même si certains vont dire que moi c'est quand j'étais en Europe que j'ai appris ma religion ou ainsi de suite, ça c'est des cas d'exception, c'est pas la majorité, hein. Et on sait qu'est-ce qui se passe dans des situations comme ça, souvent, c'est parce que quand on est dans un pays où on est une minorité, on a ce sentiment-là des fois de vouloir se retrouver avec des gens de notre pays, de notre origine, puis parfois le fait de se retrouver dans les mosquées, ça nous donne ce sentiment-là, mais c'est pas parce que cette chose-là était impossible à faire dans les pays musulmans. C'est juste parce que dans les pays musulmans, les gens, ils avaient d'autres endroits pour se rassembler ou se retrouver entre amis que les mosquées. Ici, souvent, les mosquées sont utilisées comme des lieux de rencontre, hein, des lieux de rencontre, des choses comme ça. Donc, la religion, celui qui veut l'apprendre dans les pays musulmans, il est capable de l'apprendre, et encore beaucoup plus que dans les pays non musulmans. Mais c'est parfois le fait que certaines personnes sont dans des milieux ou dans des entourages qui sont loin de la religion, ou loin du ilm, et de la sunna, et de la aqida, et de la compréhension de l'islam, hein, et bien à cause de ça, ils pensent que il n'y a pas de religion dans leur pays ou que la religion n'est pas pratiquée comme il faut. Mais celui qui cherche réellement la religion dans son pays musulman, c'est certain qu'il peut la trouver. Mais bien entendu, il faut qu'il soit déterminé à le faire et il faut qu'il soit sincère. Et celui qui demande et qui demande à Allah la guidance et qui demande sincèrement à être guidé et qui cherche les moyens pour l'être, eh bien, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter. Bon, maintenant on passe à un deuxième exemple que Cheikh il a mentionné comme preuve. Et c'est دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار وحماية بعض الكفار. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré sous la protection, hein, et la défense de certains parmi les kuffars. Donc, il a profité de la protection de certains kuffars pour se protéger contre Quraysh. Voici des exemples de ça. Premièrement, Himayatu Ammihi Abi Talib, Kuffar Bani Hashim, Lahu. Donc, ça, c'est le premier exemple. C'est le fait que le Prophète sallam a été protégé par son oncle, Abu Talib. Hein, et également sa famille, Banu Hashim. Donc il est rentré sous leur protection alors que ce sont des kuffars. Et le deuxième exemple qui est mentionné, c'est la protection de Al-Mut'im ibn Adi, lui aussi qui est un kafir, un mushrik à l'époque, mais qui a protégé le prophète sallam. Bon, le cheikh il explique, il dit rawa al-Bukhari fi bab qissat Abi Talib an al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma aghnayta an ammik fa innahu kana yahutuk wa yaghdabu lak qala huwa fi dahdahin min nar lawla ana لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Donc, premièrement, le cheikh, il mentionne cette parole qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et également rapportée par Muslim au sujet de l'histoire de Abu Talib et Al-Abbas, qui est un autre des oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas ibn al-Muttalib, le père de Abdullah ibn Abbas, il était lui converti à l'islam. Il dit, radiallahu anhu, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ma aghnayta an ammik. Comme ici la signification, ma aghnayta an ammik, probablement dans le sens, tu ne pouvais pas te passer de ton oncle, c'est-à-dire Abu Talib, parce qu'il te protégeait, hein, et il se fâchait pour toi, c'est-à-dire il se fâchait contre les gens de Quraysh pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il est dans un endroit de feu dans l'enfer. هو في ضحضاح من نار لولا ولولا أنا donc si ce n'était de moi il aurait été dans l'endroit le plus bas de l'enfer parmi les endroits les plus bas de l'enfer. Donc c'est pour dire que à cause du prophète sallam il a été diminué dans son châtiment. Donc, ça c'est un exemple. Il y a un autre hadith à ce sujet-là qui mentionne que Abu Talib, justement, il va être dans l'enfer et il sera parmi les gens de l'enfer qui auront le plus petit châtiment. Hein, et parmi les exemples qui ont été mentionnés de ce châtiment-là, c'est qu'il aura des chaussures. Si je me souviens bien, il aura comme des chaussures de feu. Et que ses pieds vont être dans le feu et son cerveau va brûler par rapport à la chaleur qui va se dégager de ça. Donc c'est pour dire comment il va être, dans quel état il va être, et il va penser que personne n'a un châtiment plus grand que le sien. Donc ça c'est pour montrer comment il va être châtié parce qu'il est mort dans le shirk, il est mort dans la mécréance et dans l'idolâtrie. Mais étant donné que il avait beaucoup fait pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a tout fait pour essayer de faire en sorte qu'il accepte la foi, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ensuite, le Cheikh dit « وروى أحمد وابن ماجة صححه ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان فأخذوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. انتهى كلامه. Donc le Cheikh il dit ensuite que l'imam Ahmad ibn Majah ont rapporté et ça a été authentifié par Ibn Hibban et Al-Hakim, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit que les premiers à avoir montré ouvertement leur islam sont sept personnes: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Ammar, sa mère Soumeya, la mère de Ammar, et Souhaïd, et Bilal et Al-Miqdad. Donc ça fait, hein, ça fait 8. Le messager d'Allah, Abu Bakr, Ammar, la mère de Ammar, hein, donc ça fait 4. Souhaïd, Bilal et Al-Miqdad. Ça fait 7. C'est 7 personnes. Je pense que peut-être j'avais dit 8, mais c'est 7. Donc c'est ça. Donc lorsque au début de l'islam, il y a 7 personnes qui ont montré ouvertement leur islam en premier, qui ont déclaré leur islam. Les sept sont les personnes qu'on a mentionnées. En ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il était protégé par son oncle, Abu Talib. Et en ce qui concerne Abu Bakr, eh bien, il a été protégé, il était protégé par son peuple. En ce qui concerne les autres, c'est-à-dire Ammar et sa mère et son père, et Bilal et Al-Miqdad, eux, ils ont tous été pris par les mouchriquins et torturés. Ils ont subi beaucoup de tortures de leur part. Parmi les exemples, qu'est-ce qu'ils faisaient pour les torturer? Ils leur faisaient porter des armures de fer et ils les mettaient sous le... Ils les laissaient brûler, ils les laissaient fondre au soleil. C'est-à-dire, ils les mettaient en plein jour, en plein midi, sous le soleil, avec des armures de fer, de métal. Donc, le métal devenait chaud et ça les brûlait. Et c'est pas un petit soleil comme le soleil en Europe ou en Amérique. C'est le soleil de l'Arabie. Le soleil vraiment chaud. C'est un soleil brûlant. Des fois, ça peut même être jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Donc, c'est vraiment, vraiment une chaleur intense. Si on dépose, par exemple, des fois en Arabie Saoudite, quand il fait très chaud à midi, si tu passes, tu poses ta main sur une voiture, parfois tu peux te brûler, tellement c'est chaud. Et si tu casses un œuf sur le dessus d'une voiture, eh bien l'œuf peut cuire facilement. Donc c'est pour dire à quel point c'est chaud. Donc si on laisse quelqu'un avec une armure de métal puis on le laisse par terre comme ça sous le soleil en plein jour, c'est certain que c'est une torture, ça c'est quelque chose qui est très dur. Et donc la plupart d'entre eux, ils ont été tellement torturés par les mouchriquins qu'ils ont été obligés d'accepter les choses qu'on leur demandait de faire ou de dire. Comme par exemple, certains d'entre les musulmans, comme Ammar et sa mère, sa mère, elle a été tuée, c'était la première martyre. Et ensuite, il y avait aussi, il y avait son père aussi qui a été tué devant lui. Et lui, Ammar, radiallahu anhu, il a répondu à la demande des mouchriquins qui lui disaient d'accepter leurs idoles ou bien de renier l'islam. Il a accepté par contrainte, parce qu'il avait été torturé. Tandis que Bilal, il dit, c'était le seul qui a résisté et qui n'a pas succombé à la torture. Parce que Yanni, il a été endurant dans cette torture-là. Donc hanat alayhi nafsuhu fillah wa hana ala qawmihi. Qu'est-ce que les mouchriquins faisaient pour le torturer encore plus? Ils laissaient les enfants le tirer dans les rues et courir avec, ils couraient en le tirant dans les rues et Bilal continuait à dire ahadun ahad. Il continuait à dire que Allah est unique, parce qu'il a cru la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en le tawhid. Il a été endurant. C'est pour ça que, par la suite, on sait que Abu Bakr radiallahu anhu est venu l'acheter et il l'a libéré. Donc ça, c'est la fin de cette citation-là. L'imam ibn al-Qayyim, il dit également, قال ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad, فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا عليهم حتى يسلموا إليهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في سقف الكعبة يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ويقال النضر بن الحارث والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من الهجرة وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة وبقوا محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب انتهى كلامه وقد ذكر ابن كثير القصة بطولها. Donc le cheikh il explique que il mentionne en fait les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad le volume 3 la page 29 qui était l'explication en fait de l'embargo qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient avec lui même parmi les mouchriquins qui ont été yani, parmi ceux qui ont subi l'embargo aussi avec lui hein, donc lorsque les gens de Quraysh ont vu que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à augmenter que les choses commencent à devenir de plus en plus grandes eh bien ils ont décidé de faire une entente entre eux et Bani Hashim et Bani al-Muttalib et Bani Abd Manaf de ne rien vendre et de ne rien faire, de faire aucun mariage, de ne pas parler, de ne pas s'asseoir avec eux jusqu'à ce qu'ils leur rendent le messager d'Allah. Donc il disait على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف donc ils ont dit soit que vous nous rendez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou sinon on va plus rien vous vendre, on va plus vous marier, on va plus vous parler, on va plus s'asseoir avec vous hein, par exemple. Donc ça c'est des choses qu'ils ont mentionnées dans leur entente, dans leur contrat, et ils ont accroché ça sur le toit de la Kaaba, et ils disent que celui qui l'avait écrit c'était Mansour ibn Ikrima, d'autres disent que c'est An-Nadr ibn al-Harith, mais la vérité c'est que c'était Baghir ibn Amir ibn Hashim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua contre lui et ses mains sont devenues comme paralysées par la suite à cause de ça. Et donc se sont rejoints Banu Hashim et Banu al-Muttalib se sont ralliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, les croyants parmi eux et les kuffars, excepté Abu Lahab. Lui, il était contre Quraysh, il était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il supportait Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Et donc, ils ont été. Ils ont été comme ça boycottés et on leur a fait l'embargo pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Et c'est arrivé, ça a commencé, si je comprends bien, on a limité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient avec lui, dans une partie de dans un endroit, on les laissait pas sortir de là, et ils sont restés pendant 3 ans dans cette situation-là, et on entendait même les enfants crier, les enfants pleurer, tellement ils trouvaient rien à manger. Et lorsque la situation est devenue trop dure, eh bien, c'est là que sont intervenus Bani Abdul Muttalib, et ils se sont joints au messager d'Allah justement pour faire en sorte que cet embargo-là cesse, hein, et parce qu'ils voulaient le tuer, en fait, le but c'était ça, et ils se sont tous mis ensemble, les croyants et les non-croyants de Bani Abdul Muttalib, pour faire en sorte de faire stopper cet embargo-là. Certains l'ont fait par foi, ça c'est les croyants, d'autres l'ont fait par conviction, d'autres l'ont fait par hamiya, c'est-à-dire par appartenance à la famille et la fierté, hein, du fait qu'on faisait ça à un de leurs proches. Donc certains, les croyants c'était pour la foi, et les mouchriquins c'était pour les liens de parenté qu'ils avaient avec eux, comme c'est mentionné dans l'histoire rapportée par Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Il dit من طريق موسى ابن عقبة عن الزهري وفيها فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم وأمرهم أن يمنعوه من أرادوا قتله فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا وفيه أيضا فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به منكرا واغتيالا له فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعد فرشهم فينام عليه انتهى كلامه. Donc c'est ça ce qui s'est passé. La tribu, lorsque la tribu de Bani Abd al-Muttalib ont vu qu'est-ce qui se passait, ils ont dit on va faire rentrer le messager d'Allah dans notre endroit où on est, et ils ont décidé d'empêcher ceux qui voulaient le tuer de l'approcher ou de lui faire du mal. Et ils étaient parmi eux, il y avait des musulmans, il y avait des koufars. Et les koufars, ils le faisaient par fierté de famille, hein, les liens de parenté. Et les croyants, ils le faisaient par foi, par conviction. Et il dit que la nuit, lorsque les gens allaient dormir, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib ordonnait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dormir dans son lit jusqu'à ce que les gens voient, ceux qui voulaient lui faire du mal, voit qu'il était endormi dans son lit. Puis, lorsque les gens allaient se coucher, eh bien, il ordonnait à quelqu'un parmi ses fils, parmi ses frères, ou quelqu'un de ses cousins, de venir se coucher à sa place dans son lit. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller dans le lit de quelqu'un d'autre pour dormir, pour éviter que pendant la nuit, quelqu'un viennent essayer de l'assassiner ou des choses comme ça. Ensuite, il dit وقال الحافظ في شرح الباب في فتح الباري وكان شقيق ابن عبد الله وكان شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته فكلفه إلى أن كبر واستمر على نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب وقد ذكرنا أنه مات بعد خروجهم من الشعب وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عنه كل من يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه وأخباره في حياطته والذب عنه معروفة مشهورة ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله والله لن يصلوا إليك بمجمعهم حتى وسدوا في التراب دفينا وقوله كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نقاتل حوله نناضل. Donc il explique, Al-Hafiz ibn Hajar il explique dans Fath al-Bari que Abu Talib était le frère de Abdullah, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils avaient le même père et la même mère. Et lorsque il est mort, c'est-à-dire lorsque Abdullah, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est mort, Abdul Muttalib, au moment de sa mort, il a demandé à son fils, Abu Talib, de s'en occuper jusqu'à ce qu'il devienne grand. Donc Abu Talib, il avait la responsabilité et la charge de s'occuper du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a continué à s'en occuper et à le défendre jusqu'à ce qu'il soit chargé de la mission prophétique que Allah lui a donnée. Et donc, à partir de ce moment-là, Abu Talib l'a défendu jusqu'à sa mort. Abu Talib est mort par la suite, plus tard. Donc, toute sa vie, il a défendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que, on a mentionné déjà que Abu Talib est mort à sa sortie de l'embargo, lorsqu'il est sorti de l'embargo qui a duré pendant 3 ans. Donc Abu Talib, il a subi l'embargo de Quraysh avec son neveu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est comme s'il a dit, bon, puisque vous voulez faire ça à mon neveu, donc dans ce cas-là, moi je fais partie de lui, je vais le défendre, et toute la tribu, toute la famille sont rentrés dans l'embargo, eux aussi. Ils ont dit, donc c'est comme s'ils faisaient partie de ceux contre qui on faisait l'embargo, qu'on voulait couper. Et par la suite, donc c'est ça qui a fait en sorte que ils ont cessé de le faire par la suite. Ils ont cessé l'embargo. Il est mort. C'était dans l'an 10 de la Hijra, si je ne me trompe pas. Donc il défendait, c'est ça, il est mort à la fin de la 10e année, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut été envoyé. Et il dit qu'il a continué à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à repousser toutes les offenses qui lui étaient faites et le tort qu'on essayait de lui faire. Et il est resté comme ça, malgré qu'il était sur la religion de son peuple. Il était sur la religion des mouchriquines. Et il dit, on a mentionné déjà dans le hadith d'Ibn Mas'ud, plutôt que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, en ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah l'a protégé par son oncle. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé par son oncle. Et il a mentionné également sa défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs poèmes qu'il avait faits, qui sont très célèbres, comme par exemple quand il disait « Wallahi lan yasilu ilayka bimajma'ihim » c'est-à-dire « Par Allah, ils ne vont pas t'atteindre. » même s'ils sont tous réunis pour essayer de le faire, jusqu'à ce que je sois mis dans la terre, dans la poussière, enterré. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'atteindre, ils ne vont pas te faire de tort, jusqu'à ce que tant que je suis vivant. Donc ça c'est l'exemple. Ensuite il dit وَكَانَ يَحُوتُكَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَةِ مِنَ الْحِيَاطَةِ وَهِيَ الْمُرَاعَةِ وَفِيهِ تَلْمِيحِ إِلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثُمَّ إِنَّ خَدِيجَةَ وَأَبَا طَالِبٍ هَلَكَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَكَانَتْ خَدِيجَةُ لَهُ وَكَانَتْ خَدِيجَةُ لَهُ وزيرة صدق على الإسلام يسكن إليها وكان أبو طالب له عضدا وناصرا على قومه فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته يقول ما نالتني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne que l'imam Ibn Hajar mentionne ce que Ibn Ishaq avait mentionné, que Khadija radiyallahu anha et Abu Talib, ils sont tous les deux morts dans la même année avant la hijra, 3 ans avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, elle était comme une quelqu'un qui supporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sincérité. Elle a été comme une wazira. Elle a été toujours avec lui, il le supportait tout le temps, et il retrouvait son repos auprès d'elle, hein, et elle le supportait dans sa mission pour prêcher l'islam et appeler à l'islam. Donc c'était comme une ministre, hein, qui la supporte. Et son oncle Abu Talib, eh bien, c'était comme un défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre son peuple. Et lorsque Abu Talib est mort, eh bien, Quraysh ont commencé à faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Ils ont fait des choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment, après la mort d'Abu Talib, qu'ils n'auraient jamais pu faire durant sa vie. C'est-à-dire durant la vie d'Abu Talib, hein, parce que Abu Talib avait un grand respect dans la tribu de Quraysh, hein, il était parmi les gens qui font partie des têtes de Quraysh et les gens respectés de Quraysh. Personne ne pouvait le défier ou faire quelque chose contre sa volonté ou contre lui, parce que à cause de son grand respect et de son statut, hein, dans la société, sa noblesse, donc les gens le respectaient beaucoup. Et personne n'aurait osé faire quoi que ce soit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant son existence, durant sa vie. Hein, et à l'époque aussi, c'est pas seulement l'époque, mais aussi le fait que c'est une société tribale. Et les tribus, c'est basé sur les alliances, les liens de parenté et tout ça. Donc c'est comme ils se défendent les uns les autres, et ils se supportent les uns les autres, et ils s'entraident les uns les autres. Et donc c'est des exemples comme ça. Et donc Abu Talib n'était pas musulman, c'était un mushrik. Il défendait son neveu parce que c'était son neveu, parce que c'était sa famille. Donc c'était ça l'exemple. Et donc, lorsqu'il est mort, Abu Talib, eh bien, là, Quraysh ont commencé à lui faire de plus en plus de la difficulté. Et même qu'un des faibles d'esprit, parmi les faibles d'esprit de Quraysh, est venu même pour mettre de la terre sur la tête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, probablement pendant qu'il faisait la salat, Et donc, yani, on rapporte à ce moment-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans sa maison et il a dit, Quraysh n'a jamais pu me faire quelque chose pour me faire du mal ou quelque chose que je n'aime pas jusqu'à ce que Abu Talib meure. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à lui faire de la difficulté, à lui faire du tort. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه وهذا كثير فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Donc ça c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui mentionne dans Majmou' al-Fatawa le volume 4 à la page 114. Il dit que Abu Talib défendait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, défendait le prophète, hein, et il le faisait malgré son shirk, c'est-à-dire malgré que Abu Talib était un mushrik, il défendait et supportait son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ça, il y en a beaucoup chez les mushrikines et chez les gens du livre, parce que parmi eux, il y en a qui sont des gens honnêtes. Parmi eux, il y en a qui sont des gens hein, qui ont de l'honnêteté, yani qui ne vont pas qui vont pas trahir ou qui vont pas faire de choses injustes ou des choses comme ça. Il mentionne le verset 75 dans sourate Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il cite le verset 75 dans sourate Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et parmi les gens du livre il y en a qui si tu lui confies un qintar il te le rend. Un qintar c'est 1000 pièces d'or, hein, ça vient du mot latin quintal, ils disent dans la note de la traduction. Donc si tu lui confies un qintar il te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu lui contrains sans relâche. Et là. Donc ça, c'est l'exemple ici pour mentionner que il y en a parmi eux qui sont honnêtes. Il y en a parmi eux qui sont corrects. Il y en a dans le sens qui sont honnêtes. Même s'ils sont des kuffars. Il y en a parmi les gens du livre. Il y en a qui, si tu lui confies un printar, il te le rend. D'accord? Donc, ensuite il dit, وقال ابن كثير رضي الله عنه ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضاء ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفار لاجترأ عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit, il mentionne les paroles de l'imam Mukaffir dans son tafsir, il dit que parmi les exemples de la façon dont Allah a protégé son messager, il l'a préservé contre les gens de Mecca, contre les têtes de Mecca, les jaloux et les gens qui opposent la vérité et qui sont, ils sont parmi les, parfois parmi les gens de l'extravagance et de la luxure, parmi les gens de Mecca, hein, avec leur haine contre, la haine qu'ils avaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils lui ont fait la guerre jour et nuit, hein, malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les causes, les grandes causes, et par sa force et par sa sagesse, il a fait en sorte qu'il ait une protection au début de la transmission de son message par son oncle Abu Talib. Et Abu Talib était un chef obéi, hein, quelqu'un de très important dans la tribu de Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans le cœur de Abu Talib un amour naturel pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas un amour religieux, hein, parce qu'il n'a pas accepté la foi. Et le cheikh il dit que s'il avait accepté la foi, les gens de Quraysh auraient été, hein, contre lui, ils auraient eu un affront contre lui. Pourquoi? Parce que il aurait été musulman, donc ils n'auraient pas accepté son autorité. Mais étant donné qu'il avait un lien avec eux du fait qu'il était dans le coffre avec eux, comme eux, donc il le respectait, hein, et il le craignait. Et lorsque Abu Talib est mort, eh bien c'est à ce moment-là que les mushrikoun ont commencé à lui faire du tort. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les Ansar lui donnent l'allégeance. Hein, lui donnent l'allégeance et il a déménagé, il a quitté Mecca pour aller vers Médine, qui est devenue sa maison, sa demeure, et c'est devenu une protection pour lui contre tous ceux qui pouvaient essayer de lui faire du tort, hein, et ça c'est donc la fin de la citation de qui est mentionné ici. Et la dernière citation avec laquelle on va terminer le cours d'aujourd'hui, c'est la parole du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dans son Majmu' Fatawa wa Maqalat. Il dit: wa fi siyaq adillati jawaz al-isti'anati bil kuffar qala wa idha khafa al-mazlum min an yaghlab wasta'ana wa istu'ina biman ya'manuhum fi hadha al-amr وعرف منهم النصرة فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا ولقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وكان كافرا وحماه من قومه وكان له من شهرة وقوة وشعبية فلما توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو إلى الله لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفا من أهل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي وهو من رؤوس الكفار واستنصر به في تبليغ دعوة الله واستجار به فأجاره ودخل في جواره انتهى كلامه. Donc on va terminer donc le premier exemple qu'on a mentionné avec l'exemple d'Abu Talib avec la parole de Cheikh Ibn Baz ici. Il dit dans le volume 6 à la page 135 dans l'explication qu'il donne des preuves de la, ou bien des exemples de la permission de prendre des kuffars pour comme aide, hein, pour se défendre, pour défendre les musulmans, il dit lorsque la personne qui est opprimée craint quelqu'un qui risque de l'écraser ou d'avoir le dessus sur lui, et qu'il prend l'aide de celui qui peut le protéger, le sécuriser dans cette chose-là, et dont il sait qu'il va lui venir en aide et il va le secourir, alors il n'y a rien qui empêche ce genre de choses. Il n'y a rien qui empêche qu'on demande à cet ennemi-là ou à certains des ennemis de nous défendre, de venir à notre défense et de venir dans nos rangs combattre un autre ennemi, un autre de nos ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui la meilleure des créatures, il a pris ou il a demandé l'aide d'un mushrik, d'un kafir qui s'appelait Al-Mut'am ibn Adi, lorsque Abu Talib est mort, lorsque son oncle Abu Talib, qui était lui aussi un mushrik, était kafir, qui le protégeait, lorsqu'il est mort, à sa mort, le prophète sallam est parti à Taif pour inviter les gens de Taif et pour les appeler à l'islam et pour les inviter à le protéger. Parce que le prophète sallam venait de perdre son oncle, qui le protégeait. Il était célèbre dans son peuple, dans sa famille, les gens le respectaient, il avait une popularité, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il est mort, il est parti vers Taif pour essayer de chercher un support dans sa da'wah. Lorsqu'il est revenu, puisque les gens de Taif n'ont pas accepté, donc pour revenir à Mecca, il avait peur de rentrer. Il avait peur que les gens de Quraysh lui fassent du mal, lui fassent du tort. Alors, pour qu'il puisse retourner à Mecca, il a dû demander la protection d'un d'entre les mouchriquines qui était à l'époque, Al-Mut'am ibn Adi, qui faisait partie des têtes des kuffars. Donc, il ne pouvait pas rentrer sans la protection de quelqu'un, et il a donc pris la protection de ce mouchrik. Et ce mouchrik, il est venu et il l'a défendu, dans la propagation de sa da'wah. Et il lui a demandé la protection et ce mouchrik l'a protégé. Il est rentré à Mecca avec lui. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent que le musulman, lorsqu'il est dans une situation de faiblesse ou dans une situation de difficulté, il a le droit de prendre comme protection les mouchriquines et les koufars. Et ça, c'est juste la première partie de l'explication, puisqu'il y a d'autres exemples qui sont mentionnés par la suite. Donc le principe numéro 6 qu'on a commencé aujourd'hui, on va pouvoir seulement le terminer la semaine prochaine. Donc ce ne sera pas aujourd'hui, disons, qu'on va commencer ce sera pas aujourd'hui qu'on va terminer le principe numéro 6. C'est la semaine prochaine, inchallah. Puisqu'il était plus long qu'est-ce que j'avais imaginé. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inchallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين